Salut à tous et bienvenue sur le WB Japanese Radio Show pour la rubrique copie non conforme. 5 covers et leur version originale à découvrir tout de suite. C'est Madeleine qui ouvre cet épisode de copie non conforme chanté par Gilles Kaplan. La version originale est de Jacques Brel, bien sûr. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Et même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Elle est tellement jolie, elle est elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines, Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi. Et même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma. Je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Je suis sûr qu'il est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Ce soir j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va. On doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. Elle est tellement jolie, elle est pourtant tellement tout ça. Elle est pourtant toute ma vie, Madeleine qui ne viendra pas. Mais demain j'attendrai Madame et je rapporterai du lilas. Je rapporterai toute la semaine, Madeleine elle aimera ça. Demain j'attendrai Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Tant pis, elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Demain j'attendrai Madeleine et on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime, mais Madeleine elle aimera ça. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas. J'en apporte toutes les semaines, Madeleine elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine elle aime tant ça. Madeleine c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie, Madeleine, que j'attends là, là. Ce soir j'attends Madeleine, mais il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines, et Madeleine n'arrive pas. Ce soir j'attends Madeleine, c'est trop tard pour le tram 33, trop tard pour les frites de Gênes. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon, c'est mon Amérique à moi. Même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Mais ce soir j'attends Madeleine, il me reste le cinéma. Je pourrais lui dire des je t'aime, Madeleine elle aime tant ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie, Madeleine qui n'arrive pas. Ce soir j'attendais Madeleine, mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines, Madeleine ne viendra pas. Ce soir j'attendais Madeleine, c'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime, Madeleine ne viendra pas. Madeleine c'est mon espoir, c'est mon Amérique à moi. Mais sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir j'attendais Madeleine, tiens, le dernier tram s'en va. On doit fermer chez Eugène, Madeleine ne viendra pas. Elle est pourtant tellement jolie, elle est pourtant

remembrance of ignorance, so this phrase, tell me who of them will come to me? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world, and spending most of their lives living in future paradise, and spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, clarification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Living to our lives, living in a future paradise. Change to anyone's life, living in a past time paradise. Copie non conforme. Beds Are Burning, chanté Midnight Oil en 1987. Amanda Palmer and Friends a repris la chanson en 2020. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak. Holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? To save face fit, to pay the rent. that lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say things fair, to pay the rent, to pay our share. Give it back. How could we dance when our earth is turning? How do we sleep while our beds are burning? How could we dance when our earth is turning? Copie non conforme. On écoute maintenant La Dèche, Le Twist et Le Reste, une chanson de Hubert Félix Thiéfaine, interprétée aussi par Gège Ravage. Tous les deux on pousse nos haillons dans un igloo à bon marché, sous les toits d'une masure bidon, en compagnie des araignées. Toi tu vis ta vie d'alcoolique entre ces quatre murs lamentables. Moi je bricole et je fabrique des chansons qui sont invendables. Twist chante, moi je flippe. Twist chante. Une fois tous les trois jours, avec des boîtes de cassoulet, qu'on arrive à paner en douce dans leur superbe super marché. Et quand on est à bout de fric, tu fous le camp chez les émigrés, leur faire découvrir l'Amérique dans des passes non déclarées. Twist chante, moi je flippe. Twist chante, moi je flippe. Et quand je m'en vais prendre l'air du côté des femmes faciles, tu te jettes sur la bouteille d'éther pour ton vol plané. On ne sème plus d'amour et d'eau fraîche, la vue de l'eau te fait hurler. Et notre amour, à coup de pêche, c'est peu à peu désintégré. Twist chante, moi je flippe. Twist chante. Comme ça, par habitude. tous les deux on pousse nos haillons dans un igloo à bon marché, sous les toits d'une masure bidon, en compagnie des araignées. Toi tu vis ta vie d'alcoolique entre ces quatre murs lamentables. Moi je bricole et je fabrique des chansons qui sont inventables. Twist et chante, moi je flippe. Twist et chante, moi je flippe. On bouffe une fois tous les trois jours avec des boîtes de cassoulet qu'on arrive à paler en douce dans leur superbe super marché. Et quand on est à bout de fric, tu fous le camp chez les émigrés, leur faire découvrir l'Amérique dans des passe-noms déclarés. Twist et chante, moi je flippe. Twist et chante, moi je flippe. Et quand je m'en vais prendre l'air du côté des femmes faciles, tu te jettes sur la bouteille d'éther pour ton vol plané à 2000. On ne sème plus d'amour et d'eau fraîche, la vue de l'eau te fait hurler, et notre amour à coups de dèche c'est peu à peu désintégré. Twist et chante, moi je flippe. Twist et chante, moi je flippe. On vit comme ça par habitude, et surtout parce que c'est pratique de pallier la solitude en buvant à la même barrique. Ça peut durer jusqu'à toujours, à moins que l'on ait le courage de se dire merde un beau jour et de mettre fin au naufrage. Twist chante, moi je flippe. Twist chante, moi je flippe. Copie non conforme. On termine cet épisode de Copie non conforme par une chanson des Beatles, Strawberry Fields Forever, interprétée par Noel Gallagher. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. Doesn't matter much to me. Let me take you down, cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry. Must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down. strawberry field. Nothing is real. Nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know sometimes I think it's me. But you know I know when it's a dream. I think I know I'm being a yes, but it's all right. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real. ça vous a plu? Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Copie non conforme. Salut!